Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Romain Fruitier. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel j'ai pris l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Toi, Romain, tu es le directeur d'exploitation de la Cité Fertile à Pantin. Et aujourd'hui, à distance, nous allons parler de comment le changement de nos villes peut aller de pair avec le changement de nos vies. Plus largement, nous discuterons d'écologie, de formation et de transformation des territoires ainsi que d'ancrage local. Mais pour commencer cet échange, Romain, c'est une tradition désormais. Je te pose la question que je pose à tous mes invités et qui est celle tant attendue ou parfois tant redoutée que tu auras à toutes ces soirées où tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, Romain? Eh bien justement, c'est une question très redoutée pour moi. C'est très difficile de répondre à cette question. Enfin, au-delà de la réponse, c'est difficile de réussir à projeter ou à faire comprendre aux gens ce que je fais et quel peut être mon quotidien en fait. Le titre de directeur d'exploitation, il est très vague et ça pourrait être autant d'une exploitation agricole que d'un centre de réparation de vélos par exemple. C'est les mêmes titres qui sont utilisés à chaque fois. Donc les gens ont du mal à se projeter dans ce que je fais, donc je parle plutôt du lieu dans lequel je travaille que vraiment de mon titre de profession, quoi, pour expliquer ce que je fais. Eh ben allez, changeons ta vie une bonne fois pour toutes, Romain. Changeons ce titre de directeur d'exploitation qui est effectivement, comme tu le dis, est assez peu clair sur vraiment ce que tu fais. Si tu devais le renommer ce poste et que tu avais les coudées franches, voilà, tu pars d'une page blanche, toi qui du coup fais vivre ce tiers-lieu, tu y impulses un sens, tu diriges des équipes, tu donnes un cap. Est-ce que c'est le mot de capitaine qu'il faudrait utiliser? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? C'est pas mal, c'est pas mal. Je fais souvent la comparaison avec un chef d'orchestre, où tu as vraiment ce côté-là, où des fois tu peux avoir le sentiment qu'un chef d'orchestre, si tu l'enlèves, l'orchestre serait toujours, tous les instruments sont là et tout se passe bien. Et en fait, tu te rends compte souvent sur des projets assez importants, tu as besoin d'un chef d'orchestre qui coordonne le tout, qui sait aussi où en sont chaque instrument, qui connaît ses qualités, ses défauts, etc. Et c'est vraiment le rôle que j'ai à la Cité Fertile, c'est d'être chef d'orchestre du projet, du lieu, et de s'assurer à la fois que le public qui est dans la salle soit content et que les musiciens soient dans de bonnes conditions pour jouer. Ouais, tu mets donc en musique la Cité Fertile qui du coup travaille à développer les imaginaires et à montrer à quoi pourraient ressembler les mondes de demain tout en donnant une opportunité aux gens de rencontrer des associations pour s'impliquer sur le terrain, pour se former à ces questions. Il y a plein de choses, on va y revenir. Avant que tu nous racontes exactement le travail que tu fais à la Cité Fertile, les activités qui s'y développent, qui s'y déroulent, moi j'étais quand même très curieux de savoir comment on en vient justement à être directeur d'exploitation, capitaine, chef d'orchestre d'un tiers-lieu. Quelle est ta formation et qu'est-ce qui t'a amené à occuper ce poste que tu occupes aujourd'hui? J'ai une formation où j'ai fait une école qui s'appelle Sciences Po Toulouse, donc qui est rattachée à la faculté à Toulouse. J'avais toujours eu en tête plus ou moins de m'orienter vers des métiers, ou en tout cas vers le secteur culturel. Et j'ai eu différentes expériences, y compris à l'étranger, à la fois dans des institutions type service culturel ou musée, et à la fois dans des plus proches du média, du journalisme ou de l'entreprise. J'ai travaillé pour une entreprise qui était spécialisée dans la gestion de contenu, création, gestion de contenu sur YouTube, par exemple, notamment pour des acteurs culturels. Et en fait, j'ai à la fois pas réussi à trouver vraiment ma place dans une entreprise vraiment start-up, avec un côté très multiplication de l'activité, démarchage de clients, etc. Et ni dans les institutions, où j'ai senti parfois que c'était pas fermé, mais en tout cas que c'était assez restreint en fait ce que tu pouvais faire, et que j'ai l'impression que tout était déjà organisé et qu'il suffisait de suivre une certaine déroulé, une certaine façon de faire, et que tu faisais un peu toujours les mêmes choses. Alors forcément, j'ai jamais été à des, j'étais toujours en stage ou en dans un emploi relativement précaire, donc j'ai pas vu non plus, certainement pas eu accès aux postes qui pouvaient peut-être aussi avoir plus d'intérêt dans ce sens-là, plus de création et de direction. Mais j'ai eu l'opportunité en fait de travailler à la recyclerie, et donc qui est un tiers-lieu plus petit que la Cité Fertile à la porte de Clignancourt. Et en fait, j'avais depuis longtemps un peu l'idée de pouvoir faire un métier aussi où tu n'es pas forcément derrière un téléphone ou un ordinateur de manière relativement constante. Et je trouvais que comme nous exactement, aujourd'hui. Exactement. Et comme là aussi, des fois, démontré à l'inverse avec le confinement, mais c'est un autre débat. Mais non, de trouver un métier qui permette d'être actif et qui soit aussi rattaché à un lieu public, en fait, à un lieu qui accueille du public, qui accueille d'autres intervenants, que ce soit associations ou entreprises. C'était pas forcément a priori la solution, et en fait, en testant à la recyclerie, ça s'est vraiment avéré le bon choix, au-delà de, en plus, rejoindre des valeurs qui me semblaient importantes, moi, de mon côté, d'être dans un lieu qui mettait en avant la réparation, avec ce nom de recyclerie pour les trois R que sont réduire, réutiliser et recycler. Donc voilà, tout ça, ça faisait assez de sens, mais de travailler pour autant dans un métier relativement où tu passes pas mal de temps debout, où tu es beaucoup en contact avec les gens, à la fois le public et des équipes, c'était vraiment un peu le sens de ce que je voulais faire, et ça m'a permis un peu de comprendre ce que j'avais envie de faire. Et puis aussi, la question du culturel au sens large, en fait, de pas être que dans l'artistique, mais d'avoir finalement un lieu qui fait des choses culturelles au sens large, ça comptait pour moi, donc en comptant aussi la gastronomie, les façons de vivre, en fait, au-delà du purement artistique. Donc Romain, j'ai l'impression quand même que en ayant eu ce premier lien au tiers-lieu avec la recyclerie, tu as un peu suivi cette émergence des tiers-lieux, qui est quand même quelque chose d'assez récent. Est-ce que avant la recyclerie, tu avais déjà la connaissance de ces lieux un peu uniques, ou est-ce que en fait t'es tombé dedans avec la recyclerie? Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu as découvert ces lieux qui sont à la fois de plus en plus mis en avant et qui pour autant me semble encore assez confidentiel? Ouais, c'est assez étonnant, en fait. C'est un terme, le terme de tiers-lieu, c'est un terme, bon, déjà qui est des fois difficile à définir, ou enfin en tout cas il y a des gens qui ont des définitions très différentes potentiellement, et moi, de par mes études, en fait, j'en avais vraiment déjà entendu parler de manière universitaire, donc la notion donc au départ c'est une notion, alors je sais plus si c'est une notion américaine ou anglaise, mais en tout cas je pense que c'est un universitaire américain, avec la notion de third place, donc qui est ni ton travail ni là où tu vis, mais vraiment un troisième lieu où tu es entre le travail, la façon de vivre, les manières de faire, et du coup j'avais déjà en fait un peu cette notion de tiers-lieu, mais beaucoup plus dans le côté justement artistique, le côté friche, qui était aussi le début des tiers-lieux, avec des occupations parfois illégales ou en tout cas temporaires, etc. Et vraiment avec un côté très artistique. Et en fait, je pense qu'il y a eu aussi un tout un nouveau type de tiers-lieu qui a beaucoup émergé, avec le côté Fab Lab. Et donc le côté beaucoup plus professionnel, mise en commun de matériel, de façon de travailler, etc., de vraiment de savoir-faire technique. Et ensuite, ça s'est ajouté encore une autre façon de voir les choses, qui était vraiment le côté coworking, donc des tiers-lieux vraiment spécialisés dans avoir des postes de travail, des outils aussi en commun, mais pas forcément pour des travaux manuels. Et derrière, j'ai l'impression que des lieux comme la recyclerie peuvent être un peu la dernière vague de tiers-lieux, beaucoup plus ouverts au public, de manière avec des amplitudes horaires très larges, c'est-à-dire vraiment un lieu de vie dans le sens où dans lequel tu peux aller même en n'étant pas acteur du tiers-lieu. Et que finalement, des lieux comme la Cité Fertile, aujourd'hui, ça pourrait être un peu un mélange de tous ces tiers-lieux, parce que même si on n'a pas tous les aspects, on n'a pas de Fab Lab, on n'a pas vraiment à proprement parler de coworking, mais on a tout un univers autour du travail, mais à la fois aussi d'accès au public. Donc c'est sûr qu'on rejoint un peu tous les domaines du tiers-lieu, et c'est vrai qu'il y a des tiers-lieux qui vont se définir comme n'étant que axé sur l'artistique, axé sur le public, et nous on est vraiment dans un sens culturel au sens large de tiers-lieux qui mélangent un peu à la fois les aspects publics et les aspects plus professionnels. Ouais, j'en ajouterai un dernier qui est moi en fait le premier type de tiers-lieu que j'ai vraiment connu avec les grands voisins où il y avait une large part qui était consacré à l'accueil des... Là, en l'occurrence, c'était les migrants et c'est souvent les personnes voilà, défavorisées. En solidarité, ouais. Ouais, et effectivement. Et Darwin aussi, qui avait à Bordeaux cette partie un peu d'accueil des personnes les plus défavorisées. Donc effectivement, on voit à quel point ces tiers-lieux, comme tu l'as très bien expliqué, sont vraiment protéiformes et s'adaptent aussi. C'est ça qui me plaît, c'est aussi pour ça que je voulais te donner la parole. Ils s'adaptent vachement en fait aux besoins du territoire, aux besoins de la population sur ce territoire, et puis à la créativité après de toutes les énergies qui s'y ajoutent. Du coup, tu as commencé à parler de la Cité Fertile et j'aurais bien aimé que tu continues et que tu nous donnes un peu peut-être plus d'images pour qu'on puisse vraiment se projeter dans ce qu'est actuellement la Cité Fertile. Pour l'instant, moi, j'ai juste dit qu'elle était à Pantin, mais en fait, elle est dans une ancienne gare, elle est en périphérie de Paris. C'est un lieu qui est fouillis, où il y a tout de suite cette idée de récupération, d'adaptation, mais aussi où c'est très beau. Il y a effectivement la présence du local qui est très marquée. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu voyager dans tes pas quand tu te rends à la Cité Fertile et nous raconter un peu à quoi ça ressemble? Ouais, je vais essayer d'en dresser le portrait. Donc, comme dit, c'est à Pantin, donc dans une partie qui est très très proche de Paris, entre la porte de la Villette et porte de Pantin, et donc on est juste à côté des voies de chemin de fer, puisque c'est une ancienne gare de fret. Et en fait, la SNCF possède, ou en tout cas possédait jusqu'à il y a peu, un terrain de 40 hectares en fait sur la ville de Pantin, et nous on occupe 1 hectare. Donc vraiment la zone de l'ancienne gare de marchandises. Il y a encore les écuries de l'époque où les marchandises étaient amenées ou transportées à cheval jusqu'au train. Et donc on est dans un univers quand même assez entre l'industriel et l'espace logistique. C'était très minéral quand on est arrivé à la Cité Fertile, beaucoup de pavés ou de gravier, et des bâtiments plutôt en métal ou en tôle. Et l'idée, c'était le pari, ça a été pour la rendre belle sans forcément changer les structures de bâtiments, puisqu'on est sur de l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire qu'on a un bail précaire avec une durée de vie limitée, et là on a la certitude de s'en aller en octobre 2022, donc le projet, on le savait dès le début, aura une fin, là on a la date de fin qui est relativement sûre, et donc du coup, le pari, ça a été de ramener beaucoup de végétalisation, pour un peu, il y a une grande cour en fait, il y a un grand espace entre une halle logistique qu'on a réaménagée à l'événementiel, et donc l'ancienne gare qui est plutôt une zone avec un préau et un bar-restaurant, et toute une partie aussi de formation campus sur laquelle on reviendra certainement après. Et en fait, donc il y a une grande cour qu'on a végétalisée. L'idée, ça a été de récupérer. Il y a la SNCF qui a construit d'autres bâtiments pour la partie gestion de train, qui vont toujours occuper pour le coup. Et nous, c'était de récupérer pas mal de poutres ou de tuiles qui étaient dans le bâtiment qu'ils ont détruit, leur racheter, et en fait, pour pouvoir faire tous nos nos éléments de bac pour la végétalisation, des bancs, des tables, et les tuiles qui ont été concassées pour recouvrir le sol là, de cette tuile rouge, c'est assez joli. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment de la récup hein, quand même à la Cité Fertile. Là où on aurait pu se dire, bah, tiens, on a une friche, on va pouvoir y aller gaiement sur la bétonisation, sur les achats de neufs, etc., etc. En fait, vous, au contraire, vous avez plutôt dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a à disposition, comment on peut le réutiliser, le détourner, le reprendre, et puis même, peut-être après, derrière, se fournir en matériel déjà utilisé d'occasion, en fait. Hein. Ouais, complètement. On a récupéré plein de tables qui étaient déjà sur site, qui étaient un peu fatiguées, mais qui étaient encore tout à fait convenables. On a fait aussi, pour tous nos bureaux, on a acheté à une vente aux enchères chez un loueur de cinéma qui fermait à Aubervilliers. Et l'idée, ça a toujours été de trouver assez proche du mobilier récupéré. Et pour les arbres, on a beaucoup travaillé avec Phoenix, qui est une association qui fait de la récupération alimentaire, mais aussi qui faisait, je crois qu'il a arrêté, mais qui faisait de la récupération événementielle. Et donc, du coup, il y avait plein de sujets d'arbres, en fait, de salons qui sont souvent mis dans un salon pour une période très courte, et après, comme ils ne sont pas replantés, ils sont souvent concassés, en fait. Ça devient du BRF, donc de l'espèce de morceaux de bois concassés qu'on met souvent sur les allées, etc. Et donc, nous, on a pu récupérer directement des sujets. Donc, en fait, on a eu très peu d'achats de, entre guillemets, neufs type pépinière, alors qu'on a planté vraiment beaucoup, beaucoup d'essence d'arbres. L'idée, c'était aussi de ce lieu le revégétaliser et puis ramener une certaine... Alors, forcément, avec une certaine mesure, puisqu'on est quand même dans un environnement très urbain, mais un peu de vie à la fois sur la flore, mais aussi sur la faune. Ouais, tout à fait. Bah, tu décris bien, hein, pour moi, ce joyeux bordel, et c'est un compliment qui, quand je ferme les yeux, quand j'imagine les 2030 glorieuses, ressemble assez à ce que je peux voir à la Cité Fertile ou même à la recyclerie que je connaissais bien et qui donne à voir comme ça, voilà, ce monde où on laisse... libre cours à la créativité, à la réutilisation, au détournement de tout un tas d'objets. En général, c'est très vert, très beau. Et en tout cas, c'est des lieux où je me sens bien et où vous, là, du coup, ta présentation nous a pas mal aidé à imaginer les activités qui ont lieu sur la Cité Fertile. Vous accueillez de temps en temps des événements, des festivals. Le dernier événement auquel j'ai participé à la Cité Fertile, c'était le festival des licornes qui faisait qu'il y avait des coopératives qui s'associaient entre elles. Donc, il y avait des conférences. Il y a un super bar où on peut boire une bière brassée localement. Il y avait des ateliers, des stands pour que les associations se présentent. Donc là, on va dire que c'est toute la partie événementielle, culturelle. On peut venir rencontrer tout un tas d'acteurs locaux, se divertir. C'est une programmation changeante qui permet vraiment d'avoir un flux. Il y a un super restaurant qui a en plus du sens, et ça, je veux bien que tu nous en dises deux mots. Et après, effectivement, tu l'as déjà dit, et j'aimerais qu'on revienne un peu dessus aussi, il y a une école pour venir se former à ces questions, et notamment à la question des tiers-lieux et comment les faire vivre et les développer partout sur le territoire. Ouais, tout à fait. Commençons par la partie plus publique. En fait, on a la chance d'avoir un très grand lieu. Comme dit, il y a donc cette grande cour extérieure, mais on a aussi un grand espace couvert extérieur qui s'appelle le préau, qui est dans la continuité de la gare, en fait, là où les marchandises étaient chargées dans les wagons. Et on a deux grandes salles événementielles qui font à peu près 1000 personnes debout chacune, et une plus petite salle qui sont les anciennes écuries qui ont été renouvelées, qui fait centaines de personnes debout. Et en gros, ça nous permet d'avoir la chance de à la fois accueillir des ateliers avec une association qui met à disposition des machines à coudre et qui apprend aux gens à entretenir, à réparer leurs vêtements, et à la fois d'accueillir des festivals de grande ampleur, type le festival monté par Enercoop dont tu parlais, des coopératives, mais le week-end dernier on accueillait Empower, donc qui est un festival autour de l'entrepreneuriat féminin et de l'empowerment féminin. Et donc on va avoir sur ce genre de festival une des halles qui est dédiée à des conférences, une des halles qui est dédiée à un salon. En extérieur, on a des cabanons en fait qu'on a fait maison en bambou avec des bâches, des anciennes bâches de marché, les bâches rouges qu'on voit tout le temps à Paris, hein. Et ça nous permet d'accueillir. Donc là, il y avait plein d'entrepreneurs féminines qui venaient vendre ou faire découvrir ce qu'elles faisaient. Et à la fois, on avait des performances artistiques, etc. Donc on a la chance d'être un genre de multiplex. Donc on a à la fois des acteurs qui occupent tout, et à la fois on a des journées où on a plein de petits événements peu partout dans la Cité Fertile pour le public. Et l'école alors ? Et donc l'école, donc il y a toute une partie entre guillemets travail à la Cité Fertile. Donc juste avant de parler de l'école, je vais rebondir sur la bière parce qu'on a quand même Panam Brewing Company qui brasse de la bière sur place et c'est sûr pour un grand lieu qui peut accueillir plus de 1000 personnes, c'est toujours intéressant de se dire que là on pousse vraiment le local très très loin dans le sens où la bière est brassée à 50 mètres de là où elle est consommée, donc c'est vraiment très positif. C'est du local. Donc, ouais. Et on a ce qu'on appelle le campus des tiers-lieux, donc c'est un peu trois pôles. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le pôle vraiment incubateur, donc on a des gens qui sont accompagnés pendant 6 mois par plein d'acteurs différents, donc ça va de Écotable à Finacop, plein d'acteurs de l'ESS qui sont autour du tiers-lieux et qui vont accompagner des gens qui ont un projet assez mûr et qui ont souvent un lieu physique déjà déterminé à monter leur projet et donc ils vont souvent avoir un rôle proche du mien, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment le chef d'orchestre de leur lieu et donc c'est les accompagner partout en France en fait, donc ils ont deux jours de cours par semaine et le reste du temps ils se plongent dans leur projet et donc on a des projets très différents. Ça va de un projet de halle autour de la nourriture et de la restauration à Mulhouse, à un projet qui va bientôt voir le jour à Belle-Île-en-Mer, dans l'ancien bagne. Il y a plein de projets différents qui sont accompagnés. L'idée, c'est que nous, on n'a pas envie d'ouvrir un peu comme pour faire McDonald's, un franchisé dans chaque coin de la France, mais on pense vraiment que chaque commune de France mérite un peu son tiers-lieu et que ça fait aussi sens par rapport à toute une partie de désertification, des services publics et des services entre guillemets commerciaux aussi en tout cas de magasins et de services de proximité dans les communes rurales et c'est aussi le sens de ce qu'on fait nous, c'est que forcément c'est des fois un peu plus facile de se lancer à Paris parce qu'il y a un bassin de population ou dans les grandes villes en France, mais il y a plein de projets qui émergent ou qui sont déjà existants à la campagne, on va dire, en ruralité. Et c'est vraiment ultra important. Et sans être un acteur public, puisqu'on n'est pas subventionné ou très très peu sur des projets très précis, on est un acteur privé, donc on pourra, si tu veux, parler de modèle économique après. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que ça permet des fois de un peu pallier le départ d'autres commerces et de dire, on est capable, en fait, on a des missions d'intérêt général, bien qu'on soit une entreprise, quoi. Et c'est tout le sens de l'économie sociale et solidaire, etc. Absolument. Bah, écoute, toutes les personnes qui nous écoutent là et qui nous disent, mais oui, en fait, c'est ça. Il faut que je me greffe à un tiers-lieu existant, que je lance mon propre tiers-lieu. Elles doivent aller faire un tour à minima sur le site internet de la Cité Fertile et aller y faire un tour dans l'idéal pour même découvrir cette école des tiers-lieux qui a du sens et qui, comme tu l'as dit, permet, voilà, de créer un réseau, de venir profiter de votre expérience, de tous les écueils dans lesquels vous êtes tombé et aussi de toutes les bonnes pratiques, les bonnes habitudes que vous avez développées. La question du modèle économique, on pourrait en parler pendant 20 minutes, donc je t'avoue que ce sera pour une autre fois, mais c'est vrai que c'est aussi hyper intéressant dans les tiers-lieux d'avoir justement un modèle qui est très mouvant. Là, j'imagine tout à fait les rentrées d'argent qui sont liées un petit peu au bar, un petit peu au restaurant, en partie aussi par les formations des tiers-lieux, par les entreprises qui pourraient réserver de temps en temps certains espaces pour organiser des événements, etc., etc. Et donc ça montre aussi que ces lieux, ils sont sans doute aussi bien plus adaptables, bien plus résilients en fonction des situations. Et là aussi, il y aurait un épisode entier à refaire sur l'adaptabilité des tiers-lieux en cas de crise et en cas d'effondrement possible. Donc on en reparlera une autre fois avec plaisir. Moi, j'ai justement envie de parler de ce que tu commençais à évoquer tout à l'heure, la France avec un tiers-lieu au minimum dans chaque commune. On va partir pour ça en 2030 glorieuse, mais juste avant, j'aimerais que tu nous fasses le cadeau que nous font chacun des invités à chaque fois. Tu es venu avec une fenêtre d'inspiration, puisque moi je suis persuadé que dans nos bibliothèques, il y a tout un tas de passages secrets presque, ou en tout cas des raccourcis vers ces mondes de demain, et ils sont dans nos bouquins. Et toi, tu es venu avec un livre en particulier. Ouais, je suis venu avec Dune. Alors c'est assez d'actualité puisqu'il y a une adaptation cinéma qui vient de sortir et qui est toujours en cinéma. Et c'est un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps, il y a un an à peu près. Je suis assez fan de la science-fiction pour aussi pas du tout le. Y a, en fait, c'est un peu un terme, je trouve, qui a été mal trouvé science-fiction, puisque souvent ça nous parle du monde d'aujourd'hui en le projetant dans un autre univers ou avec d'autres éléments. Mais moi, ce que je préfère dans la science-fiction, c'est pas du tout. Il y a plein d'auteurs qui font des choses qui sont pas du tout orientées sur des vaisseaux incroyables ou ce genre de choses et qui parlent vraiment de finalement de l'être humain et de notre relation du coup à la nature, à notre planète, etc. Puisque c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans la science-fiction. Et dans Dune, il y a des hommes qui vivent sur place en symbiose avec la nature, avec le désert, et qui font un peu une espèce de résistance sur cette planète. Et surtout, il y a toute une ambition de dire sur cette planète, il y avait certainement de l'eau avant en grande quantité, il y en a presque plus. Et ces hommes qui vivent dans le désert ont pour but de transformer cette planète au fur et à mesure et de la rendre habitable et de la rendre verdoyante. Et donc c'est un livre qui parle donc à la fois de toute une intrigue d'aventure, mais à la fois aussi sur le rapport de l'homme à sa nature, comment s'adapter à une nature qui est parfois entre guillemets hostile et qui rend la vie humaine très dangereuse. Enfin, c'est très intéressant. Dans l'après-midi finissant, Paul se tenait devant la tente distillée. La crevasse était envahie par l'ombre profonde. Par-delà le sable, Paul contemplait la lointaine falaise, se demandant s'il devait éveiller dès maintenant sa mère qui dormait encore. Pli de sable sur pli de sable, les dunes roulaient sous le soleil déclinant qui dessinait des ombres denses comme la nuit. Tout était plat. Dans son esprit, il chercha quelque chose de vertical qu'il put greffer sur ce paysage. Mais il n'y avait rien, rien d'un horizon à l'autre, sous l'air surchauffé. La brise n'agitait pas la moindre fleur, la moindre plante fragile. Les dunes, et la falaise là-bas, sous le ciel d'argent bleu. Et si ce n'est pas l'une des stations abandonnées, se demanda Paul, s'il n'y a pas de Fremen là-bas, si ces plantes ne sont qu'un accident? Dans la tente, Jessica s'éveilla, se retourna, et par la paroi transparente regarda son fils. Il lui tournait le dos, et quelque chose dans son attitude lui rappela le duc. Tout au fond d'elle, elle retrouva alors le puits noir de son chagrin et elle détourna le regard. Elle ajusta son distille, but un peu de l'eau recueillie par la poche de la tente et sortit en s'étirant, chassant le sommeil de ses muscles. « J'apprécie le calme de cet endroit », dit Paul sans se retourner. « La vie pourrait être agréable ici. » Jessica essaya de voir le désert avec les yeux de son fils, tentant de rassembler toutes les rigueurs qui étaient communes sur cette planète, s'interrogeant sur les avenirs possibles que Paul avait entre eux. « Ici, pensa-t-elle, on peut vivre seul sans se retourner, sans craindre le chasseur. » Elle s'avança, dépassa Paul, leva les jumelles et régla les objectifs à huile. Puis, elle observa l'escarpement rocheux de l'autre côté du désert. Oui, c'était bien du saguaro là-bas, dans les arroyos. Il y avait aussi d'autres épineux, et des plaques d'herbe courtes, jaune-vert entre les ombres. « Je vais lever le camp, » dit Paul. Elle hocha la tête et gagna l'extrémité de la fissure, d'où elle pouvait contempler toute l'étendue du désert. Elle braqua alors ses jumelles vers la gauche. Une plaque de sel scintillait, maculée d'ocre sur les bords, blanche pourtant, ici où la mort était blanche. Et cette plaque de sel disait bien autre chose. Elle disait « Oh !» Il y avait eu un temps où l'eau avait coulé sur cette blancheur scintillante. Jessica baissa ses jumelles, ajusta son burnous et pendant un instant, prêta l'oreille au mouvement de Paul. Le soleil descendit plus bas encore. Les ombres s'étendirent sur la plaque de sel. Des lignes de couleurs fulgurantes jaillirent sur l'horizon du couchant. Puis, elles se fondirent en un flot sombre sur le table. Des rivages charbonneux apparurent, et puis, tout à coup, la nuit s'épaissit sur le désert. Merci Romain, ça nous fait une formidable transition pour les 2030 Glorieuses, on fait ce voyage extraordinaire, comme ce voyage que tu nous as offert à travers la littérature. On va faire un travail d'imaginer à quoi pourraient ressembler les 2030 Glorieuses. C'est ni plus ni moins que, pour moi, le voyage le plus extraordinaire qu'on fera jamais, et à la fois le voyage le plus écologique, puisqu'on ne bougera pas de là où nous sommes, devant nos ordinateurs. Et ensemble, on va imaginer l'espace d'une conversation, à quoi ressembleraient les 2030 Glorieuses, des 2030 Glorieuses où, en l'occurrence, on aurait réussi à remettre la célébration du vivant en nouvelle boussole de nos vies et de notre société. Alors du coup, toi, tu y es en 2030 Glorieuses et on va y parler comme si on y était dans le présent, alors que d'autres personnes nous écoutent et elles sont encore en 2021. C'est le petit jeu de pensée qui est parfois pas évident, mais qu'on va essayer de tenir. Et donc ça y est, on y est en 2030 Glorieuses. Toi, qu'est-ce que tu vois autour de toi, Roman ? Qu'est-ce que je vois autour de moi ? Ben, j'espère beaucoup, enfin je suis sûr même du coup, que je vois beaucoup de vert en fait. Je vois beaucoup de choses en symbiose avec la nature et une recherche peut-être d'harmonie un peu plus forte et de minéralité un peu plus faible. Voilà ce que je vois autour de moi, et je vois beaucoup de choses en commun aussi. C'est, je crois, ce dont j'ai le plus envie et le plus besoin, de choses de partage, de du coup d'avoir accès ensemble à, plutôt que d'avoir chacun sa pompe à balai chez soi, d'avoir des pompes partagées, plutôt que de chacun avoir ses outils électroportatifs, d'avoir des bricothèques ouvertes en bas des immeubles. Ce genre de choses-là. Ouais, les communs, il y a 10 ans en arrière, c'était Gaël Giraud, qui est ce jésuite économiste, qui critiquait beaucoup la politique d'Emmanuel Macron et qui travaillait pour un réel changement, et qui disait que les communs, c'était à la fois l'une des choses les plus anciennes qui avait fait tenir notre communauté pendant des millénaires, et qui était en même temps la chose la plus moderne qui nous permettrait à nouveau de vivre ensemble et de reprendre notre place parmi le vivant. On a réussi à faire en sorte que ces communs redeviennent une évidence. Et ça, c'est en partie grâce à l'émergence de ces tiers-lieux pour lesquels toi, tu travaillais déjà 10 ans en arrière. Aujourd'hui, on a des tiers-lieux absolument de partout. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça ressemble, ça ? Ben, c'est assez étonnant de voir que chaque acteur local, chaque tissu local d'association et d'entrepreneur a réussi à, en fait, adapter un ancien bâtiment, par ici une gare, par ici une ancienne usine, une ancienne manufacture, à la transformer en fait à la fois un lieu qui ressemble à leurs occupants, à leurs aspirations, et à la fois en s'adaptant aux besoins du public, parce que dans cette ville en particulier, il n'y avait plus aucun endroit où faire réparer son vélo, ou pouvoir s'essayer à des cours de cuisine, et d'avoir réussi, d'avoir cette intelligence-là, de répondre aux besoins des habitants et de dire, toutes les semaines, notre cuisine, elle est partagée entre les écoliers qui viennent apprendre à cuisiner sans gaspiller d'éléments d'une pomme, donc à faire des chips ou des choses à mettre sur un crumble avec les épluchures des pommes, et à la fois sur le reste de la semaine, des cours pour des publics des fois en insertion, ou adultes qui cherchent pareil à apprendre de nouvelles façons de travailler, de cuisiner, et aussi d'aller jusqu'au bout en fait du processus, et de dire on a mis en place du coup un compost collectif où on peut vraiment apprendre aux gens à, une fois que j'ai des épluchures que j'utilise pas ou des restes de repas, qu'est-ce que je vais en faire, comment ça va ensuite aller nourrir et faire pousser les légumes qui sont au potager, et vraiment au-delà des communs aussi avoir cette capacité à raisonner en cycle en fait, et de plus être dans une façon de vivre où on va prendre quelque chose pour le consommer et pas réfléchir à ce qui se passe derrière ou ce qui s'est passé avant en fait, d'avoir la capacité, et c'est ça que je souhaite. Et je suis content de voir arriver dans ce futur de 2030, c'est vraiment notre capacité à comprendre comment, si j'ai fait le choix de ne pas être végétarien, de manger de la viande, que comprendre en fait comment se passe la vie d'un animal, son élevage, et comment est-ce qu'il va être tué et découpé pour nourrir d'autres gens. C'est, Je trouve que ça change beaucoup les choses quand on a vu comment c'était fait. Et si c'est bien fait, ça reste parfois pour certains acceptable. Pour d'autres, c'est complètement inacceptable de tuer un animal. Mais déjà, ça te permet de vraiment d'avoir conscience de ce qui se passe et de comprendre que mettre de la charcuterie d'élevage intensif dans des barquettes en plastique, c'était plus possible et on a bien fait de changer. Ouais, ce sont des endroits où en fait on rapproche les gens de leur consommation et aussi on lève le voile, hein, on donne à voir ce qui pendant longtemps était caché parce que on voulait pas du tout qu'on voit nos abattoirs, nos décharges, tous les affres en fait, toutes les scories, tous les désagréments de notre ancien monde qui devait mettre sous le tapis voilà, ses pièges et ses fardeaux. Et je te disais tout à l'heure, il y a des tiers-lieux partout en France, mais je me suis trompé en fait, parce qu'on n'appelle plus vraiment des tiers-lieux, on les appelle même des fiers-lieux. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode, 2024, on était vraiment dans cette dynamique du scamming, hein. ça venait de la Suède, on avait eu le flight scamming, c'était la honte de prendre l'avion, et puis ensuite le shopping scamming, etc., etc. On était vraiment un peu dans cette idée de blâmer, de ne plus assumer notre surconsommation, et à un moment on s'est dit, mais plutôt que de blâmer, plutôt que de pointer du doigt, soyons fiers de tout ce qui est en train d'advenir, et ces tiers-lieux s'en sont saisis puisque, comme tu le dis, il y a la réparation, il y a la mise en commun, le partage des objets tech, des bricothèques, des ludothèques, des bibliothèques forcément qu'on connaissait et qu'on continue à voir de partout, et des lieux beaucoup plus culturels, puisqu'en fait, ben voilà, tout ce temps qu'on passait à surconsommer, il a été libéré pour de nouveaux apprentissages, du temps aussi peut-être un petit peu plus futile et à la fois beaucoup plus enrichissant, de concerts, de pièces de théâtre, et ça se retrouve aussi beaucoup dans ces fiers lieux. Hein. Ouais, complètement, et puis l'idée c'est aussi de joindre l'utile à l'agréable et de se dire aussi que d'avoir des espaces des fois qui auparavant étaient utilisés de manière très très très relative, dans le sens où là, il se passait rien la journée, uniquement des choses le soir, etc. C'est aussi de se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre à disposition des espaces pour des gens qui ont des fois pas forcément les moyens de faire de la location, etc. Et comme de toute façon les espaces sont vides, on les met à disposition pour des activités de solidarité ou d'apprentissage ou de formation, et ça fait complètement sens. Plutôt que de fermer les portes et d'ouvrir juste pour deux ou trois représentations. Ouais, bien sûr. Et ce qui est fou aussi, c'est quand je sais pas si tu te souviens de cette émission, il y avait les plus beaux villages de France, hein, qui était animé par Stéphane Bern à l'époque, et qui du coup a transformé son concept et qui maintenant lui anime les plus beaux fiers lieux de France et qui voyage partout en France pour aller découvrir les plus beaux fiers lieux, les plus originaux. Alors il y en a, comme tu le disais, et ça c'était assez traditionnel, dans des anciens entrepôts, dans des manufactures, dans des gares aussi, beaucoup. On se rappelle de la Cité Fertile dans laquelle tu travaillais à l'époque, mais il y en a qui ont été encore plus originaux sur des anciens circuits de karting, dans des anciens centres commerciaux. On a vraiment repris ces lieux qui avaient été abandonnés pour remettre les gens au cœur, remettre le vivant au cœur, et c'est presque devenu une sorte de nouveau tourisme en fait, hein, à chaque fois d'aller dans un nouveau lieu et de se demander à quoi ressemble le fier lieu là-bas et quelle créativité a été mise en place et qu'est-ce qu'on peut y apprendre. Ouais, j'aime beaucoup cette dénomination de fier lieu, et je trouve que ça a été vraiment une chouette idée de porter le tout vers le positif en fait, et de montrer que en fait le fait d'avoir changé nos manières de consommer, c'était aussi pour être mieux nous-mêmes et mieux en rapport avec notre société, avec la nature. Et c'est vrai que en fait de pouvoir s'inspirer les uns les autres et de voir qu'il y a des initiatives qui sont toujours différentes en fait selon l'endroit où elles se passent. Et ça, c'est vraiment un des trucs qu'ont réussi à garder les tiers-lieux quand ils sont devenus des fiers-lieux, c'est de se dire de pas reproduire la même recette partout en fait, et de s'adapter à la fois dans le lieu dans lequel on est, puisque forcément ça, du lieu naît des contraintes et des contraintes naît de la créativité, mais aussi de répondre, comme dit, aux besoins des habitants et aux besoins du territoire. Ça sert à rien d'ouvrir une grande halle alimentaire juste à côté d'un restaurant qui est là depuis des années et qui sert des centaines de couverts. C'est vraiment passionnant de voir qu'on a réussi aussi avec des lieux comme les fiers-lieux de finalement de repeupler un peu les zones rurales et de montrer qu'on pouvait habiter à la campagne et pour autant avoir accès à plein de services différents et à des lieux où il est possible de à la fois venir s'émerveiller devant un spectacle, mais aussi venir travailler ou se documenter grâce à une bibliothèque. Ouais, et les fiers lieux dans la décennie passée ont joué un rôle clé qui peut-être n'était pas forcément le premier rôle auquel on pensait quand on s'imaginait ces lieux, c'est vrai, très créatifs, très rassembleurs. Et il y a pas mal de conventions citoyennes locales, territoriales qui se sont organisées dans les fiers lieux. Les fiers lieux, c'est aussi maintenant, et c'est assez commun, des cœurs battants de la démocratie participative dans lesquels on peut venir échanger, s'écharper, j'allais dire, mais non, au moins débattre. Se rassembler sur nos consensus et affirmer nos dissensus pour plus de richesse, mais oui, débattre et construire cette société qui est devenue beaucoup plus locale, beaucoup plus ancrée aussi. Hein. Oui, complètement. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que ça fait écho à quand je travaillais à la Cité Fertile il y a 10 ans. À plein d'acteurs qu'on avait pu recevoir et qui étaient un peu le début de ce mouvement-là, et on avait accueilli pas mal aussi de jeunes ou d'universités qui faisaient leur convention sur le climat, et aussi des initiatives, et ça fait écho un peu à des luttes aussi anciennes, de remettre sur le centre du débat, dans le centre du débat des idées, ce qui était le triangle de Gonesse à une époque, ce qui a été de luttes comme ça pour un peu faire pencher la balance et faire tourner aussi la direction de la société vers un respect des zones rurales, vers un respect de nos agriculteurs aussi, vers un respect de la nature. Et c'est aussi en ça que les tiers-lieux participent à la vie de la cité et à la démocratie. Ouais, absolument. Toi, Roman, en 2030 Glorieuse, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'aimerais bien rester dans un projet. Peut-être que le fait d'avoir expérimenté des projets à des tailles très différentes et d'avoir été, pour le coup, dans un lieu aussi grand et des fois, du coup, aussi très, très prenant et parfois épuisant, puisque beaucoup de projets, beaucoup de gens à qui parler, beaucoup de choses à organiser, ça me donnera envie de me recentrer sur un lieu plus petit. Aussi. Et peut-être que moi, je serai en train de gérer un lieu. J'aimerais beaucoup revenir à. Ben, je t'ai mis un extrait de livre tout à l'heure. Et peut-être être dans un lieu qui est plus proche du café, librairie, lieu de débat d'idées ou d'exposition. Finalement, je crois que ça me plairait pas mal. Et d'être dans un lieu plus à taille humaine, pour le coup. Ouais, ça donne envie. De retour en 2021, là, on sait que ces tiers-lieux, ils existent de plus en plus. On sait que ça va très vite. Hein. Ça va aller en s'accélérant. Il y a l'État qui propose des subventions. Il y a une série qui a été faite, des documentaires, un podcast sur les tiers-lieux qui est aussi actuellement lancé et pour donner à voir un peu voilà, l'originalité en fonction des territoires, de la créativité des fondatrices et des fondateurs. Toi, Roman, pour donner comme suggestion un pas supplémentaire aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient cheminer vers ces 2030 glorieuses qu'on a tenté d'imaginer ensemble, qu'est-ce que tu leur suggérerais? Je pense que le travail commence toujours dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois de réfléchir à qu'est-ce qui personnellement rendrait plus heureux, permettrait d'être plus en lien avec ses convictions et en accord avec ses convictions, et après vraiment concrètement s'impliquer dans un projet, réfléchir un peu aussi soit s'impliquer dans un projet qui existe déjà pour le rendre le plus proche possible de ce dont on aurait besoin, donc s'impliquer dans un projet de territoire à qui on se dit pourquoi ce projet-là il n'a pas de bricothèque, et je suis sûr que on sera très bien reçu pour mettre en place ce projet-là dans un tiers-lieu proche de chez soi. Et sinon, très honnêtement, réfléchir à si l'envie vient de monter ce genre de projet et de se dire, je sais que dans ma commune, cette ancienne salle-là, ou cet ancien immeuble, ou cet ancien hall d'immeuble, cette ancienne manufacture, cet ancien petit atelier qui est inutilisé, qui appartient à la mairie, pourquoi pas les contacter pour peut-être faire un projet d'ouverture pendant l'été, et puis finalement de voir comment le public répond, se dire quels sont les besoins des habitants, mener une concertation, et puis après, peut-être l'année suivante, faire des travaux, rénover le lieu, et là, passer à la vitesse supérieure, de vraiment trouver d'autres acteurs qui sont prêts à occuper le projet, à faire peut-être une partie plus professionnelle, peut-être une partie ouverte à la restauration pour le public, etc. Et finalement, tout cet agrégat, ça va vite devenir un tiers-lieu passionnant. C'est peut-être ça le secret, Roman, non ? C'est de voir ponctuel, en fait, de voir dans une temporalité définie, et là où on pourrait penser que ça viendrait nous brider, nous limiter, au contraire, ça libère la créativité. Tu disais tout à l'heure que la Cité Fertile, vous saviez qu'il y avait une date de fin, c'était très clairement mis dans le contrat initial. Est-ce qu'en fait, le fait de savoir que les choses vont mourir, ça permet de les faire vivre encore plus, avec encore plus d'envie, avec encore plus d'énergie ? Alors, on est très partagé sur l'occupation temporaire. C'était la première fois qu'on fait ça. Un projet comme la recyclerie, on avait possibilité d'acheter les murs, donc c'était complètement différent. Donc, on est partagé parce que, en effet, comme tu le dis, ça pousse vraiment à l'expérimentation, et on aura vraiment vécu ce projet-là comme ça. C'est-à-dire de se dire, on a beaucoup expérimenté, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, avec qui travailler, comment rendre le lieu plus accessible possible au public, faire que les portes aussi semblent ouvertes pour vraiment tous les publics. Et du coup, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir d'autres projets, en fait. Donc du coup, on sait qu'on va réutiliser beaucoup de ce projet dans d'autres projets. On sait que toutes les expérimentations, elles auront été fructueuses. On saura quoi réutiliser et ne pas réutiliser. Mais on est partagé, et je dirais que j'ai pas eu forcément le sentiment des fois que on aurait mis moins d'énergie ou que ça aurait été moins fructueux si on avait été dans un lieu de avec une occupation beaucoup plus longue. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est le sens des tiers-lieux même, en fait, qu'ils soient d'occupation temporaire ou pas, d'essayer des choses. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que je me sens bien dans un autre environnement, c'est que on a la chance d'être dans des lieux où on n'hésite pas, en fait, à changer entre guillemets les règles du jeu, ou on n'hésite pas à faire autrement parce qu'on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait, ou que le public est pas réactif à ce qu'on propose. Donc c'est un peu ça le grand bonheur d'être dans des lieux comme ça, c'est d'avoir une grande liberté. Et le projet, comme il était avant que le lieu ouvre, il était assez différent par plein de côtés de ce qu'on a fait finalement. Et ça, c'est vraiment pour moi aussi l'essence des tiers-lieux, c'est de ne pas être un endroit figé, en fait. Merci Roman. Avec plaisir. Et ça y est, cet échange avec Roman Fruity vient de se terminer. Un épisode passionnant où je suis content d'avoir réussi à mettre en avant un métier vraiment, vraiment, pour le coup, peu connu, puisque, comme le disait Roman, ça peut être un peu la hantise de devoir présenter ces métiers qui, finalement, forcément, sont tellement encore peu présents dans les imaginaires que ça relève presque de la corvée que de devoir les expliquer. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? Qu'est-ce que c'est une personne qui, voilà, joue ce rôle de chef d'orchestre, de capitaine de ces paquebots que sont les tiers-lieux, et qui sont en plus tous uniques, avec une originalité folle, avec une créativité débordante. Et moi, ce sont des lieux dans lesquels je prends beaucoup de plaisir à aller me ressourcer, à aller m'inspirer, à aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc imaginez qu'en 2030 glorieuse, ces tiers-lieux, qui pour l'instant sont quelques dizaines, voire des centaines en France, deviennent des milliers, des dizaines de milliers chacun, avec une spécificité propre au territoire, à la culture qui a envie d'être mise en avant, aux besoins en termes d'alimentation, en termes de lutte contre l'obsolescence programmée, etc., etc. Je trouve ça passionnant, et vraiment, vraiment, vraiment, moi, c'est un de mes grands enthousiasmes dans l'idée de ces 2030 glorieuses qui, en plus, forcément, seront source d'emploi, puisque là, ces tiers-lieux, c'est forcément des gens qui vont y travailler avec des activités qui seront plus épanouissantes et qui vont permettre de remettre de la circularité dans l'utilisation des ressources, de la consommation beaucoup plus locale, etc., etc. Voilà, les tiers-lieux, c'est le futur. Je crois que c'est vraiment le message